On va parler de la Ligue JMS avec notre ami Pierre-Luc Martin. On rappelle que si vous êtes à la recherche de vêtements spécialisés ou d'équipements sportifs ou encore de sacs de voyage ou de vêtements personnalisés, ben, l'endroit idéal qui est identificationsport.com, le site internet qui nous offre cette chronique qui est commanditée par Pierre-Luc Martin. Salut Pierre-Luc! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Pierre-Luc. En fin de semaine, il se passe quoi? C'est passé quoi cette année? Donc, il y a eu plusieurs matchs. On va commencer par le Midget 2B. Il y a eu plusieurs matchs au Midget 2B. Là, les tournois sont pas mal finis. Je pense qu'il y en reste un ou deux, là. Mais toutes nos équipes, la plupart de nos équipes en action, je pense qu'il y avait 11 matchs en fin de semaine du côté Midget 2B. Plusieurs programmes doubles, mais pas programmes triples. Les équipes de Côte-Nord et de la région. Donc, vendredi soir, les Sags 2 étaient du côté de Saint-Félicien. Victoire des Sags 2, 5-3 face au Marco Spob. Il y a eu un petit match revanche le lendemain là, du côté de Saguenay. Les Sags 2 l'ont emporté 5-1 cette fois encore contre le Marco Spob. Les bases de cette île du côté de Saguenay pour un programme triple face aux Sags 1. Trois victoires des Sags 1, 7-1, 8-1 et 4-0 le dimanche. Et les Vikings de Bécamo, du côté de Dolbeau pour deux matchs. Deux victoires identiques de 6-0 des Castors de Dolbeau face aux Vikings de Bécamo. Ça complète pour samedi. Dimanche, il y avait encore 2-3 parties. Là. Les Aiglons d'Alma, victoire de 8-1 face au Marco Spob de Saint-Félicien. Et les Sags 2, victoire de 7-1 face au Marco Spob, face aux Vikings de Bécamo. OK. Donc, quand même plusieurs matchs là, du côté midget, là. Ouais. Du côté junior, plus tranquille un peu, c'est sûr qu'il y a juste 5 équipes, hein, donc c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de matchs. Vendredi soir, victoire des Saguenay de Chicoutimi, 4-3 en prolongation face aux Aiglons d'Alma. Également vendredi, les Marquis étaient du côté de Normandin, victoire de 7-3 face aux Éperviers de Normandin. Et samedi, victoire de 7-4 des Sables de Roberval face aux Saguenay de Chicoutimi. Okay. On y voit que le classement, on voit la midget. Classement budget Castor de Dolbeau en première position avec 62 points, suivi des Sags 2 à 57 points, des Aiglons d'Alma 52 points, sauf que les Aiglons ils ont 3 ou 4 matchs en main là, okay. Sur les Sags 2. 3 points de victoire je pense, hein? Ben c'est sûr, c'est 2 points plus le point franc jeu. Okay. Okay. Donc la plupart des matchs je voudrais c'est 3 points là. Okay. Mais en général c'est ça. Ensuite, les Sags 1 avec aussi 4-5 matchs en main là, à 49 points, suivi des Ambassadeurs à 39, les Basques à 37, Vikings à 34 points et la Marco Spob à 21 points pour terminer les classements. Et du côté junior, Marquis toujours en tête avec 59 points en 22 matchs, suivi des Aiglons à 47 points, des Sags à 42 points, les Sables de Roberval à 36 points et des Éperviers de Normandais à 29 points. Okay. Donc, il reste un peu moins d'un mois à la saison régulière. Là. Donc, le classement se corse un peu. Il va y avoir des matchs importants dans les prochaines semaines. Ben, effectivement. Et donc, les compteurs, du côté junior, Jean-Simon Girard à 59 points là, du côté des Marquis, suivi d'Alexis Bourassa également démarqué à 50 points. Vincent Gagnon des Sables de Roberval à 31 points. Thomas Tremblay également des Sables de Roberval à 30 points. Et Mathias Leduc des Marquis à 27 points. Du côté junior et du côté du midget, Zachary Deschenes des Sags 2 à 45 points, suivi de Félix Normand également des Sags 2 et Jacob Bouliane des Castors de Dolbeau à 38 points chacun. David Bouchard en 4e place avec 36 points, suivi pour terminer Charles Olivier côté des Aiglons d'Alma avec 34 points. Ok, ça fait le tour. Top 5. Oui. Au junior maintenant, ouais, ben pour... on va y aller avec le classement POC après ça. J'ai sorti le classement POC, c'est moi qui vais te le dire. Donc vas-y pour le junior. Ben, junior, je te l'avais fait. OK, le midget? Le midget aussi, je te l'ai fait. OK, donc il me reste, excuse-moi, donc moi, je suis en train de sortir le classement POC parce que je le donne régulièrement, puis j'ai pensé le donner aussi dans la région, dans nos chroniques. Je le donne dans le bulletin de sport local, mais je vais le donner les équipes régionales qui sont actuellement. Donc, j'ai juste le classement midget, mais c'est bizarre pareil. Les Aiglons d'Alma devant les Castors de Dolbeau. Probablement que c'est à cause des tournois. Hein? C'est les tournois. Ouais, OK. Les tournois sont payants. Les tournois sont très payants sous classement. Donc, sont au premier rang. Les Castors de Dolbeau, 3e. Les Sags de Saguenay, ça, c'est la première équipe, 9e. 29e pour le Saguenay 2. Les Ambassadeurs Pogamo sont au 43e rang, les Basques de Sept-Îles au 45e rang, Vikings de Baie-Comeau au 48e rang et le Marcos Pop de Saint-Félicien occupe le 61e rang. Donc évidemment, beaucoup de monde regarde ça, un classement POC, surtout pour la préparation des tournois. Pour quelqu'un voit des oui, tournois. Ben, c'est intéressant. Ouais, moi je le donne très très très très souvent. Donc puis c'est pas mal intéressant de suivre ça aussi. Puis je pense que ça ment pas ben, hein. Non, ça ment pas par expérience. Même quand je coachais, je regardais toujours ça avant d'aller en tournoi, là, voir les tendances des équipes aussi. Ouais. C'est là qu'on voit après le premier tournoi quelle ligue est plus forte aussi. Là, puis, c'est très intéressant à suivre. Puis c'est le fun pour nos équipes. Là, tu viens les nommer. On a trois dans le top 10 là, du Québec. Là, donc c'est encourageant, puis c'est vraiment le fun à voir. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine? Ça fait le tour, Nani. On rappelle que cette chronique est une commandite d'antiquationsport.com. Donc, pour tous vos vêtements spécialisés ou encore vos sacs de voyage, un seul endroit qu'il faut visiter, c'est identificationsport.com. Pierre-Luc Martin, ça parle mardi prochain. Voilà. Oui, pas de problème. Donc, c'est la chronique de la Ligue JMS.